De retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1, on va passer à un sujet moins belliqueux que les armes nucléaires, mais un sujet qui n'est pas sans causer quelques railleries et moqueries. C'est les cheveux roux. On a tous une expérience, entendu quelqu'un moquer une personne qui avait des cheveux roux. On ne sait pas trop pourquoi. Alors on va voir ça avec notre chroniqueur 100% chimique qui voit de la chimie partout. Donc il en a vu dans les cheveux roux et il va nous expliquer d'où vient la couleur des cheveux roux. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour Valérie. Alors, t'as absolument raison, hein. Les cheveux roux, ben les gens qui ont les cheveux roux vont recevoir beaucoup de railleries de nos jours. Hein. Et il y a toutes sortes de préjugés qui existent à leur sujet. Hein. Le magazine Urbania vient d'ailleurs de leur consacrer là, un numéro spécial complet. Et est-ce que c'est récent comme phénomène? Ben en fait, ça remonterait à très très longtemps. Donc, les roux subiraient les foudres de leurs voisins depuis très très longtemps. En fait, j'ai personnellement un ami roux, ou demi-roux, comme il préfère le dire, qui se trouve à aussi être un historien de formation. Donc, selon ses renseignements doublement experts, donc historien et lui-même un roux, on pourrait remonter jusqu'à l'Égypte ancienne pour avoir des exemples de roux qui se sont fait ostraciser, si on veut. Donc, ça date pas d'hier, alors? Non, ça date vraiment pas d'hier. Donc, déjà, à l'époque des Égyptiens, il y avait Seth, le dieu identifié au principe du mal, qui avait lui-même les cheveux roux. Donc, c'est un premier symbole fort d'une longue série d'images qui vont associer les roux à la perfidie et au vice. Alors, par la suite, va venir aussi les Grecs et les Romains qui, à leur tour, vont complètement mépriser les roux. Les Grecs auraient, par exemple, sacrifié des roux pour apaiser le dieu Typhon, l'ennemi des dieux et principalement de Zeus. On associe même au célèbre Aristote un texte du 3e siècle de notre ère décrivant les roux comme des êtres faux, rusés et cruels. C'est en analogie avec le renard roux qui est rusé. Oui, exact. Il y avait un peu un lien, si on veut, avec les animaux, le renard. Et à cette époque-là même, il y avait une nouvelle pseudo-science qui se développait qui s'appelait la physiognomie. Donc, c'est une pseudo-science, comme je le disais, qui associe le physique des gens à leur caractère. Et bon, vous l'aurez deviné, être roux, c'est pas très positif là non plus. Par la suite, il y a également les Romains qui vont utiliser le mot rufus, qui en latin veut dire roux, comme surnom ridicule ou comme insulte pour certaines personnes. D'accord. C'est un peu triste dans le fond tout ça, je trouve. Puis, est-ce que ça s'est poursuivi dans les époques ultérieures? Ben, malheureusement, oui. Les roux vont rester à l'époque médiévale, même par la suite, une insulte. En fait, le roux, ça va être de rester une insulte commune. Certains diront que c'est encore peut-être le cas aujourd'hui, mais toujours est-il qu'à l'époque médiévale, les traîtres sont roux, presque systématiquement. En fait, les roux, c'est la couleur des démons, de l'hypocrisie, du mensonge et de la trahison. Le roux, ça rappelle les flammes de l'enfer qui n'émettent aucune lumière. Et d'ailleurs, il va y avoir plusieurs félons religieux comme Judas ou Caïn qui vont avoir les cheveux ou la barbe rousse. Et ça, même si la Bible ne fait pas mention directement de leur rousseur, si on veut. Alors, on va même finir par relier les roux au mal de d'autres catégories de gens qui sont réprouvés par l'Église moyenâgeuse. Par exemple, on va associer le roux aux Juifs et aux musulmans aussi. Donc, le roux, à ce moment-là, rejoignait probablement le jaune, qui était une couleur portée uniquement par les proscrits à l'époque médiévale. Donc, une couleur qui était associée au mal aussi. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des histoires un peu plus intéressantes sur la planète Terre avec un peuple qui aurait, par exemple, valorisé les roux? Mais il y a quelques exemples de roux qui ont été valorisés. Je pense ici à mon ami qui est roux. Mais plus loin que ça, il y a également une exception dans le catholicisme. Le roi David qui a annoncé Jésus. Alors, on va parler du roi David dans la Bible comme ayant un regard clair et une belle prestance. Donc, dans son cas, être roux va sonner un peu plus positif. Chez d'autres peuples, le roux va sembler plus commun ou possiblement valorisé, comme chez les guerriers vikings, par exemple, où on a une surreprésentation des roux. Il faut aussi mentionner la Polynésie, qui est, où parfois la rousseur était vue comme un signe de haut rang dans certaines tribus. Mm-hmm. Donc, il y avait quand même certains endroits dans le monde où les roux avaient un peu d'espoir, si on veut. D'accord. Mais finalement, est-ce qu'il y a une raison pour ça? Pourquoi les roux ont été autant méprisés puis à travers les époques? Est-ce qu'il y a une explication scientifique à ça, finalement? Ben, ça s'explique, Valérie, sûrement en partie par le fait qu'il s'agit d'un groupe minoritaire différent des autres sur lequel il était facile de taper. Mm-hmm. Mais les raisons sont certainement plus complexes et mal comprises que simplement ça. Donc, c'est pas que c'était minoritaire, donc on tape sur les minoritaires. En partie, mais il y a probablement autre chose. Donc, c'est pas un sujet qui est particulièrement bien compris et ni une raison qui justifie d'ostraciser les roues, certainement. Mais bon, scientifiquement, on peut par contre s'intéresser à ce qui fait qu'une personne est rousse. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait que biochimiquement, on est roux? Eh bien, on sait depuis un article paru en 1995 dans la revue Nature Genetics que la rousseur est causée, dans 80% des cas, par des mutations dans un gène bien particulier. En fait, c'est le gène MC1R qui code pour un récepteur appelé mélanocortine 1, donc MC1R. C'est un gène qui est notamment associé à la production de pigments dans les cheveux, mm-hmm. mais aussi aux taches de rousseur, par exemple. Ce qui va expliquer que les roues vont avoir des taches de rousseur. Oui, c'est vrai que c'est souvent lié. Et est-ce que c'est fréquent, cette mutation? Mais de façon générale, disons que la probabilité mondiale pour qu'un enfant naisse roux est d'environ 1 à 3 % et bon, dans 80 % de ces cas de rousseur-là, c'est expliqué par le gène MC1R. En Écosse et en Irlande, bien sûr, les taux sont beaucoup plus élevés de roux. Mm-hmm. On va parler de quelque chose autour de 10 % environ. Mais ça ne se transmet pas si facilement que ça. Alors, heureusement, diront certains, la mutation MC1R ou les mutations MC1R sont récessives. Ça veut dire qu'on doit avoir un gène roux provenant du père et un autre venant de la mère aussi. Donc, si les deux parents sont roux, donc si les deux parents ont deux gènes roux, les chances sont très fortes d'avoir un enfant roux, évidemment. Si les parents sont porteurs du gène roux, mais qui ne sont pas roux eux-mêmes, mais ils doivent donner chacun le gène roux à leurs enfants. On a alors une chance sur quatre d'avoir un enfant roux. Mm-hmm. Et voilà. Et là, donc, tu nous as dit, bon, le gène MCR1, mais puis tu nous as donné le nom un peu compliqué, là, je ne sais plus, mélanocortine 1. On va retenir MC1R, je pense que c'est celui-là. Mais à quoi est due finalement la couleur de cheveux roux? Parce que là, tu nous donnes un nom de gène. Oui, à quoi est dû? Donc, le gène, son rôle va d'influencer sur l'expression de certains pigments. Et entre autres, on va parler de la mélanine. En fait, la mélanine, c'est un groupe de pigments dont la synthèse peut se faire de plusieurs façons. Alors, la rousseur provient principalement d'un débalancement de la synthèse de ces pigments de couleur-là. Il y a d'abord une augmentation marquée d'un des types de mélanine, la phéomélanine, qui est un pigment jaune à brun clair et qui est produit à cause des mutations dans le gène MC1R dont on a parlé tout à l'heure. Alors, les roux auraient une plus faible teneur ou également dans un autre pigment qui est l'eumélanine, qui est un autre pigment coloré, mais que les gens que les gens de couleur aux cheveux normaux vont avoir en grande quantité. Par contre, chez les roux, ça va être en quantité beaucoup plus faible. Donc, on va avoir des proportions de mélanine chez les roux et de phéomélanine, donc eumélanine et phéomélanine, qui vont être à peu près comparables. Alors que chez les gens qui ne sont pas roux, on a beaucoup plus d'eumélanine, qui est un pigment qui est beaucoup plus foncé. Puis ça fait quoi ça, le mélanine? Donc c'est ça, c'est un pigment qui est beaucoup plus foncé, qui est présent chez les roux, mais qui est moins présent en fait chez les roux, ce qui va expliquer leur teint plus pâle. Donc ils ont moins de mélanine, un pigment foncé, teint de peau qui va paraître plus pâle et qui va permettre d'avoir également les cheveux roux. Ça va notamment aussi expliquer leur plus grande sensibilité aux UV. C'est vrai que souvent, ces gens-là ont la peau très pâle, très claire et craignent les coups de soleil, finalement. Exact. En fait, ils les craignent pour une très bonne raison, c'est qu'ils sont plus sensibles au cancer de la peau. Mm-hmm. Par contre, l'avantage, si on veut, de ça, c'est qu'ils peuvent plus facilement produire de la vitamine D lorsque la luminosité est faible. Mm. Donc, par exemple, ça aurait pu donner un avantage à certains Vikings, qui est un peuple nordique qui vivait dans des conditions froides, difficiles, mais avec peu de lumière aussi. Donc, ces conditions-là auraient favorisé probablement Fabrication de la vitamine D. La fabrication, exactement. Donc, l'expression des gènes roux, si on veut, qui permet d'avoir plus de vitamine D en absence de soleil. Et en Afrique, on imagine, avec le gros soleil, ben, c'est pas mal plus difficile pour les roux de survivre là-bas. Donc, les roux vont également avoir, on en a parlé, hein, avoir la peau un peu plus pâle, puisque les gènes qui codent pour la couleur des cheveux sont également très près de ceux qui codent pour la couleur de la peau. Donc, ils seraient transmis, les gènes pour la peau et les cheveux, en même temps par les parents. D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est associé, que ces deux caractères-là sont associés. Exactement. Puis, il y a des mots dans un tout autre registre. Il y a des rumeurs, là. Bon, moi, je vais me contenter de dire que c'est des rumeurs parce que j'ai jamais fait l'expérience, je tiens à le dire. Mais il y a une rumeur à propos des roux qui dit que les roux sentiraient plus mauvais. Est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est vrai, ça? Ben, c'est un préjugé qui a été transmis ben, à cause d'une raison, si on veut, scientifique réelle. Donc, la phéomélanine dont on a parlé tout à l'heure, qui est le pigment dans les cheveux qui va être surexprimé chez les roux, mais c'est produit à partir d'un acide aminé, qui va contenir du soufre. Donc, vous savez le composé, le soufre, qui contribue notamment à la mauvaise odeur des œufs ou à celle de l'eau potable en fond de campagne qui a une odeur un peu particulière. Mais les composés soufrés pourraient être libérés dans la sueur des roux, ce qui pourrait donner une odeur différente, parfois désagréable. Ceci dit, le pigment, ben, il est normalement dans la peau, il n'est pas nécessairement rejeté dans l'environnement. C'est déconditionnel, ça. J'ai bien vu que tu as fait attention à dire « pourrait ». Voilà, c'est assez conditionnel. Il y a une autre chose aussi qui est intéressante à remarquer chez les roux, c'est qu'ils auraient une particularité, c'est qu'ils sont sensibles différemment à certaines formes de douleur. Curieux. Oui, effectivement, c'est curieux. Donc, il y a, par exemple, certaines études qui ont montré que les roux seraient plus sensibles à la chaleur, mais moins aux douleurs électriques, par exemple. Ils auraient, entre autres, besoin de plus ou moins d'analgésiques en fonction du type de douleur qu'ils vont subir. Les détails de tout ça ne sont pas encore complètement compris et dépendent clairement du sexe. Donc, les gars roux et les filles roux ne réagiront pas de la même façon à la douleur. Mais on suppose que ce soit à cause de leur mutation dans le fameux gène MC1R. Ce qu'il faut savoir, c'est que le récepteur MC1R, il n'est pas que responsable de la couleur des cheveux et des taches de rousseur dont on parlait tout à l'heure, mais il répondrait aussi à certaines hormones, dont les endorphines. Vous avez peut-être déjà entendu, qui jouent un rôle dans la suppression de la douleur. Oui, on en a parlé d'ailleurs il y a quelques semaines à l'émission. Voilà, donc ce qui expliquerait pourquoi les roux vivraient la douleur différemment que les gens aux autres couleurs de cheveux. Mais en fait, si on résume un petit peu tout ça, bon, il y a quand même une partie de préjugés, puis il y a une partie de le fait qu'on est ostracisé parce qu'ils sont minoritaires ou pas, mais en réalité, il y a pas grand-chose de tout ça qui justifie vraiment qu'il soit ostracisé. C'est pas si mal que ça d'être roux. Non, je pense pas, bien dit Valérie, je pense pas que ce soit si mal que ça d'être roux. Donc, c'est pas justifié de les ostraciser, certainement. La rousseur, c'est un trait génétique comme un autre. On choisit pas d'être roux à sa naissance. Donc, respectez vos frères et sœurs roux et rousses. Voilà. Ben, merci beaucoup, Jean-Daniel, pour ce sujet inusité. Mais je conclurai d'ailleurs par une remarque. Avez-vous vu le nom de personnes qui se teint les cheveux en roux, particulièrement à partir d'un certain âge. Donc, il faut croire que c'est pas si moche que ça d'être roux. En fait, ça revient à la mode, les roux. Donc, vive les roux. Voilà. Exactement. Belle façon de conclure. Ben, merci beaucoup, Jean-Daniel. De rien, Valérie. On passe en musique sur CKRL au 89.1. Et au retour, on parle de l'impact des changements climatiques sur la santé.